Glenn a parlé à propos de Romains 8, puis il a parlé de différents aspects de notre marche de libération en Christ, notre marche dans l'Esprit. Jean-François, la semaine passée, a parlé de notre vivre ensemble. J'aime tellement cette expression, notre vivre ensemble. Comment faire notre vivre ensemble? Je vais entamer avec ça ce matin. J'ai pris des notes. Je me suis réparée cette semaine pour être certaine de avoir certains fils conducteurs qui vont poursuivre. Alors, c'était vraiment fun. J'appelle ce matin la famille reconstituée. Ça, c'est mon message. La famille reconstituée. Parce que vous êtes plusieurs dans les familles reconstituées. Et moi, je vois que l'Église est une famille en reconstruction constante. Alors, ce matin, j'aimerais m'adresser plutôt à notre Église locale, comme une famille qui est en reconstitution. Ou reconstruction, si vous voulez. Les deux. Quand mon beau-fils Nicolas s'est présenté dans la famille pour la première fois, vous pouvez imaginer que la famille Smith est un peu intimidante pour quelqu'un qui ne connaît pas. Un paquet de théologiens, de missionnaires, des gens qui parlent beaucoup, des gens qui sont très, très actifs partout. Puis là, mon cher Nicolas, le fiancé de ma fille aînée, est rentré, puis il n'était pas comme nous autres. Comme pas à peu près. Il ne savait pas exactement quoi faire avec nous, puis on ne savait pas exactement quoi faire avec lui. Puis ils se sont fiancés en novembre 2004, alors à Noël, c'était sa tâche de rencontrer la famille Smith. Pas juste nous cinq, mais les mononcles, ma tante, les cousins, cousines. Et puis, on s'inquiétait un peu pour Jenna, parce que Jenna est la nièce et la petite enfant qui était la première dans la famille. Alors, elle est comme protégée. Hein? La première est toujours la plus chérie, dans un certain sens. Alors, tous ses oncles voulaient être certains que Nicolas était le bon gars. Alors, la question, on pose plus la question, « Es-tu sauvé? » Mais il y avait plusieurs qui lui ont posé, « Raconte-nous ton cheminement spirituel. » Cheminement spirituel. Il n'avait jamais entendu cette expression. Mais il faut dire qu'il a eu des bonnes notes pendant Noël. Et puis, Nicolas a eu un parcours qui était très, très différent que la plupart dans la famille Smith. Alors, on a dû apprendre quelque chose de Dieu à travers lui. Et lui, il avait des choses à apprendre de Dieu à propos de nous. Et nous sommes une belle famille reconstituée avec Nicolas. Mais ça a pris du temps, pour lui et pour nous. Ici, à Roi des Rois, c'est une église qui existe depuis plusieurs décennies. Alors, il y a des membres qui sont ici depuis longtemps, mais il y a beaucoup parmi nous qui sont plutôt nouveaux. Alors, moi, je vois que Roi des Rois est une sorte de famille reconstituée aussi, et nous sommes en construction et reconstruction ensemble. Il y a des nouveaux et des gens qui sont moins nouveaux. Moi, je suis membre ici depuis 2 ans, alors je commence à sentir un peu moins nouvelle. Mais en comparaison de Manon ou Marie-Lise, par exemple, ça ne fait pas longtemps que je ne suis pas ici. Et nous avons maintenant plusieurs ethnies que je trouve formidables. Alors, en tant qu'Américaine, je ne me sens pas étrangère. Et nous avons tous nos bagages, n'est-ce pas? Il y en a qui viennent avec un bagage très lourd. Et il y en a qui traînent leur bagage depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il y a dans la valise? On ne va pas dévoiler tout de suite à tout le monde, n'est-ce pas? Alors, nous avons tous nos bagages, mais nous avons tous nos perspectives, nos personnalités, nos problèmes, nos dons, nos forces, nos faiblesses. Et la possibilité de la puissance de l'Esprit-Saint. Alors, dans cette complexité, nous essayons de former une église locale qui fait du bien les uns les autres et qui essaie de faire du bien dans le quartier, dans le monde. Ce matin, je vais vous forcer à faire une blitz à travers trois chapitres. Alors, j'espère que vous lisez vite, j'espère que vous me pardonnez, parce qu'il y a des versets que je vais sauter, il y a des phrases et des idées que je vais sauter, mais j'aimerais souligner surtout certains aspects dans l'Épître aux Galates. Quand Glenn a été demandé d'enseigner un cours en l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates, il m'a recruté pour faire la partie de Galates et je n'étais pas contente. Je ne voulais pas donner mes samedis, je ne voulais pas enseigner Galates. Ça fait longtemps que j'ai fait quelque chose hors de Luc et Actes dans la théologie. Puis là, il me donne un livre avec lequel je n'avais aucun point de repère. Mais je ne peux pas dire que j'ai tombé en amour avec Galates, mais je me sens confortable maintenant avec Galates. Et j'ai pensé à Galates 4, 5 et 6 parce qu'il y a des choses dans ces trois chapitres qui sont très, très pertinentes pour notre vivre ensemble. Alors, j'aimerais juste souligner certains aspects de Galates 4, 5 et 6, si vous me permettez. La moitié du livre. Galates a été écrit par Paul tout au début de son ministère, parmi les premiers écrits de Paul. Même avant l'Épître aux Romains, il a écrit Galates. Parce que c'était une église des Juifs et les non-Juifs qui sont venus à la foi en Jésus-Christ. Et il y avait quelqu'un qui est venu par après pour convaincre tout le monde de devenir plus juif pour être des bons croyants chrétiens. Alors, la façon d'être le plus juif que possible, c'est de circoncire tous les hommes. Je suis très contente, je suis une femme. Mais ça a causé un problème parce que c'est une partie de la loi lévitique, mais ils n'ont pas pratiqué toute la loi, alors ça a mélangé tout le monde. Alors, Paul a écrit l'Épître aux Galates pour essayer de les reconvaincre de leur identité en Jésus-Christ et de ne pas s'attacher aux choses dans l'ancien temps, de vider un peu la valise de qu'est-ce qui traînait depuis longtemps, débarrasser de cela pour vraiment habiter leur identité en Christ. Alors, ce n'est pas une question qui nous concerne. La circoncision n'est pas vraiment une question spirituelle aujourd'hui pour nous. Mais on peut prendre quelques principes de ce que Paul enseigne aux Galates et l'appliquer à notre situation, comme nous faisons avec les textes bibliques. Dans chapitre 4, c'est un des chapitres les plus bizarres dans le Nouveau Testament. Alors, je vais sauter les aspects bizarres pour ce matin. Si vous voulez me poser des questions sur cet aspect bizarre plus tard, il n'y a pas de problème. Mais ça ne fait pas notre affaire d'aller en détail. Ce que j'aimerais montrer en Galates 4 est le langage de famille que Paul utilise. Parce que lui, il s'adressait à une église locale qui était déchirée, comme une famille peut être déchirée, et ils ont perdu leur chemin en tant que famille ou église locale. Alors, il utilise le langage de famille. Alors, en verset 1, il commence avec un petit récit, une petite analogie, si vous voulez. Quelque chose avec lequel ils étaient très familiers pour faire une leçon spirituelle. Alors, il dit, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Alors, là, il parle d'un enfant, un fils, qui vit dans un château, il y a des serviteurs, il y a de la parenté, il y a le père et la mère, mais c'est lui qui va hériter tout à la fin. Et il va faire une comparaison à nous, OK? Alors, il est héritier dès son enfance, même s'il agit ou il est traité de la même façon que les esclaves sont traités. Et je vais sauter à verset 4 en jaune. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alors, vous entendez le langage de famille. Dieu avait un vrai fils, mais le reste sont tous adoptés. Alors, nous sommes sur un pied d'égalité. On est tous adoptés dans la famille de Dieu. Et parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Alors, la façon que nous expérimentons notre adoption, ce n'est pas l'Esprit Saint. Et c'est égal à tout le monde. lequel crie « Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Alors, nous avons pas simplement une adoption dans une famille stérile, mais une adoption dans une famille où on peut appeler Père Abba, Papa. C'est une expression intime, une expression d'appartenance. Et à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, et j'aime ça, c'est pas juste que nous connaissons Dieu, mais on est connu par Dieu. Ça souligne encore notre relation intime avec Dieu. Et pas juste les individus, moi et Jésus, mais c'est nous et Dieu. Nous sommes connus par Dieu. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Alors là, Paul pousse. Il pousse la métaphore à l'extrême, n'est-ce pas? Lui, il se voit comme la maman de cette église, de cette assemblée, de cette famille. Et il expérimente encore ces douleurs d'accouchement, si vous voulez. Parce qu'ils se sont retournés à une ancienne chose, puis ils ne vivent plus comme ces enfants devraient vivre. Alors, si Dieu est le Père et Paul est la mère, nous sommes les enfants adoptifs. Et en verset 22, quand il est écrit qu'Abraham a deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Alors là, on entre dans la partie du chapitre qui est un peu plus bizarre, où il prend l'histoire de Agar et Sarah, et il fait ce qu'on appelle une relecture. On relit le récit d'un autre point de vue avec une autre interprétation, une autre compréhension de ce récit. Et là, l'ancienne Jérusalem, le Jérusalem actuel de leur époque et la nouvelle Jérusalem, alors ça rentre tout dans une qu'on appelle une allégorie. Alors, c'est une histoire symbolique. Toutes les choses dans l'histoire veulent dire quelque chose d'autre et symboliser pour quelque chose d'autre. Et là, la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Si tu peux aller à la prochaine. Et puis, là, il touche le sujet de notre liberté en tant que chrétienne, en tant que famille. Et il dit pour vous, la fin de son récit, sa relecture de son récit entre Agar et Sarah, il dit, « Frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Nous sommes les enfants de la promesse, garantis par l'Esprit, et nous sommes appelés à faire notre vie ensemble avec cela. Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alors, nous sommes tous les enfants de Sarah, il veut dire. Bon, ça fait plus de sens pour les Juifs de cette époque, mais j'aime tellement dans ce chapitre le langage de famille. Et c'est Paul qui a brossé ce tableau. Veux pas, nous sommes dans une famille. On n'est pas né dedans, mais on était adopté dedans. Et si vous regardez autour de vous, voici notre famille, une partie de notre famille. On peut aller à l'autre. Alors, on arrive à notre chapitre 5 que Moïse a lu pour nous ce matin. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés, nous a affranchis. Alors là, cette semaine, j'ai pensé beaucoup, parce que Jean-François avait mentionné notre liberté. Moi aussi, j'étais élevée dans un contexte chrétien légaliste. Et quand j'étais libérée de ça, j'étais comme, « OK, yay! Plus de règles, plus de lois, plus de confessions, plus de culpabilité. Je fais ce que je veux en tant que chrétienne. » Mais quand même, le pendule était là, et là, ça aller jusque-là dans ma vie personnelle. Mais cette semaine, à travers ma vie adulte, qu'est-ce que c'est que la liberté chrétienne? Christ nous a libérés, nous a affranchis, j'aime ce mot affranchis, pour la liberté. Alors, j'ai cherché dans mon petit dictionnaire. Pour les Galatiens, ils comprenaient ceci. Pour ceux qui vivaient dans l'Empire romain, un serviteur peut être acheté par un dieu, Voyant que l'esclave n'avait pas l'argent pour payer le dieu, son maître l'a payé au temple dans la présence de l'esclave. Ça, c'était une loi dans l'Empire romain. Et il y avait un document légal qui a été préparé pour déclarer sa libération avec ces mots, « pour la liberté ». Alors, quand Paul écrit « c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis », tout le monde savait tout de suite de quoi il référait. Personne ne pouvait plus le rendre esclave parce qu'il appartenait à ou il était la propriété d'un dieu. Alors, une fois qu'il avait son document, probablement roulé, comme ça, pour la liberté, il n'y avait plus personne qui pouvait le rendre en esclavage. Même le maître. Parfois, l'esclave a choisi de continuer à vivre sous la protection de ce maître, mais plus comme un esclave, mais plus comme un employé. Alors, avec tout ce langage de famille en chapitre 4, il atterrit l'affaire en 5.1 pour la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté chrétienne? La prochaine phrase qui dit est « tenez donc ferme ». Moi, je voulais plutôt entendre « lâchez-vous loose ». Ça serait plus agréable sur le coup, hein? Mais il dit « tenez donc ferme ». Pour ne être plus dans l'esclavage. Alors, dans cette liberté, il y a trois choses qui sont arrivées en même temps. On est racheté, on est libéré et on est adopté. On a chanté un chant ce matin qui disait « Je suis né pour adorer Dieu ». Alors, moi, j'avais écrit dans mes notes, je suis créé pour adorer Dieu. Dans le code génétique, nous sommes créés avec ce désir, ce besoin d'adorer quelque chose. Et si... Paul, à la prochaine. Ouais. La prochaine? Non, la prochaine. Non. Voilà. Alors, si je n'adore pas Dieu, je vais adorer quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez des années, ceux qui sont plus âgés, les années de Bob Dylan où il était évangélique? Hein? Il avait une phase de plusieurs choses dans sa vie. Il avait sa destinée d'être évangélique. Et pendant cette période-là, Bob Dylan est un chanteur, prophète américain, folk, des années 50 jusqu'à aujourd'hui, il est toujours vivant. Alors, dans son disque évangélique, Long Train Coming, je pense que c'est ça. Long Train Coming, je pense que c'est ça. Il a écrit ce chant, Gotta Serve Somebody. Et là, il a capté vraiment cette nécessité de servir quelque chose ou quelqu'un. Alors, c'est long, le chant est très long, c'est comme plusieurs couplets, mais j'en ai pris un. Peut-être tu es un prédicateur avec ton orgueil spirituel, peut-être tu es un conseiller pour la ville qui prenne les pots de vin sur le côté, peut-être tu travailles chez un salon de coiffure, peut-être tu sais comment couper les cheveux, peut-être tu es la maîtresse de quelqu'un, peut-être tu es l'héritier de quelqu'un, alors n'importe qui. But you gotta serve somebody. Yes, indeed, you gotta serve somebody. It may be the devil or it may be the Lord, but you gotta serve somebody. Alors, soit le Seigneur, soit le diable, ou vous-même, on est fait pour servir. On est fait pour adorer quelqu'un. Alors, retourne à l'autre. Yeah. Alors, la liberté chrétienne, c'est pas pour nourrir mon individualisme. On a plein de choses dans la société qui font ça déjà. Il faut contrer cette tendance. Moi, il faut que je contre cette tendance d'être individualiste, de ne pas conformer, de ne pas laisser quelqu'un d'autre me dire quoi faire. Alors, ce n'est pas ça la liberté chrétienne. Ce n'est pas pour le libertinisme non plus. Il y avait un article cette semaine dans la presse qui parlait de les gens dans la trentaine qui ont essayé tout, puis ils se trouvent dans le libertinisme, ils sont très, très malheureux, désespérés et seuls. Intéressant, hein? Mais Paul a dit, pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis, mais d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Alors, si je suis rachetée, libérée et adoptée, c'est que je participe en faisant les actes d'amour. Et moi, j'ai écrit, l'amour est un verbe d'action. Ce n'est pas un verbe, mais vous comprenez. Ce n'est pas un sentiment que je veux sentir quand je sens qu'il y a un sentiment qui va venir. Ce n'est pas ça. C'est ça que mes filles attendaient dans l'adolescence. Oh, j'aimerais avoir tombé en amour. Je me sens que je vais tomber en amour avec un gars. J'ai le sentiment. Non, ça, ce n'est pas l'amour. Puis j'espère qu'en tant qu'adulte, on a gradué de cela. Surtout dans la famille qui s'appelle l'Église. C'est une action. Paul a dit, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Et Paul utilise beaucoup le vocabulaire de « les uns les autres » qui vient un peu plus tard dans chapitre 5. Et Jean-François, je reviens à ce que tu as dit, que j'ai besoin de vous pour comprendre Dieu, et vous avez besoin de moi pour mieux comprendre Dieu. Par la façon que je vous aime, par la façon qu'on s'aime l'un l'autre, par nos actes qu'on fait les uns envers les autres, par le service, on n'est plus esclaves, on est des héritiers, mais on fait notre vie ensemble. Et c'est une façon de contrer cet individualisme. Si je m'occupe de quelqu'un d'autre, je suis moins préoccupée par moi-même. Ça, c'est un fait. Yeah. Prochain. OK. Et plus tard, en Galates 5, il explique davantage. Oui, mes frères et mes sœurs, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des gens livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, « Aime ton prochain comme toi-même ». Tu l'as mentionné la semaine passée. Moi, j'ai été enseignée dans mes études théologiques, que si quelque chose est enseigné dans l'Ancien Testament, est repris par Jésus, est repris encore par Paul, ça fait partie du cœur et du corps de notre foi, notre doctrine. Alors, en Lévitique, nous avons « Aime ton prochain comme toi-même » et c'est dans le contexte de ne pas se venger l'un l'autre, de ne pas avoir la haine pour les voisins, mais c'était les voisins physiques, ou de la parenté, mais de traiter tout le monde selon une justice aveugle. Que juif ou non-juif, un étranger, mais qui vivait dans le pays, était traité tout de la même façon. Et dans ce contexte-là, c'est écrit « Aime ton prochain comme toi-même ». Jésus l'a repris, mais comment est-ce que lui a expliqué cela? Est-ce que vous vous souvenez? Parce qu'il racontait la parabole de bon samaritain. Alors, l'étranger ne devient pas mon voisin physique, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et c'est quelqu'un que d'habitude je méprise. C'est quelqu'un qui ne peut pas me repayer. C'est quelqu'un dans le besoin. Alors, Jésus a explosé la compréhension de « aime ton prochain comme toi-même ». Et Paul l'a repris pour parler à l'Église. Je n'ai jamais remarqué cela. C'est la première fois que j'ai vraiment remarqué, « OK, aime ton prochain comme toi-même, je pense à au bon samaritain. » Mais là, Paul l'a appliqué à la famille qui est notre Église. Comment est-ce que je peux aimer mes prochains comme moi-même? Alors, il fait une application dans son optique de se servir les uns les autres. Pourquoi est-ce que je ne veux pas m'engager dans ce service? Si vous êtes nouveau dans cette assemblée, il faut chercher votre place. Il faut que le monde vous accepte. Si vous êtes plus ancien, ça peut être intimidant de voir toutes sortes de visages que vous ne connaissez pas. Et là, on est timide, hein? On ne se connaît pas, on se connaît moins. Moi, j'ai servi de différentes façons dans d'autres églises. Je ne veux pas nécessairement que vous sachiez comment j'ai servi dans d'autres églises, parce que peut-être ça ne me tente plus de faire ces choses. Quand nous avons quitté notre église de Saint-Laurent, il y a presque 10 ans, on a visité certaines églises anglophones et francophones. Et certainement, en visitant une église francophone, le monde nous connaît. Puis, ils voulaient tout de suite nous embarquer dans une responsabilité. Oh, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, vous pouvez servir. Puis moi, j'étais brûlée. Je ne voulais vraiment pas voir le monde. Je préférais aller à une église où il n'y a personne qui me connaissait pour que je puisse juste être là. Verser mes larmes, écrire dans mon journal et prendre la Sainte-Seine. C'est juste ça que j'étais capable de faire. Et puis, on est arrivé à Rosemount Bible Church, qui nous connaît très bien depuis longtemps. Ils ne connaissaient pas toute notre histoire de ce qui nous est arrivé, mais ils nous ont dit, asseyez-vous sur le banc. On n'a pas vraiment besoin de vos capacités parce que Strength on the bench. Ils avaient plusieurs leaders et sous-leaders et leaders en formation. Et ils nous ont accueillis juste de s'asseoir, d'écouter, que quelqu'un d'autre nous serve pendant quelque temps. Puis c'est là où nous sommes allés. Mais maintenant, on est reconstitué. On est prêt encore à servir. Alors, si on regarde le commandement, si vous voulez, se servir les uns les autres. Mais on a plein de choses dans notre valise que le monde connaît ou connaît moins. À un moment donné, il faut ouvrir la valise, il faut commencer à se faire connaître et il faut pratiquer l'accueil pour qu'on trouve tous notre place dans cette famille reconstituée. En reconstitution. Et puis, en verset 15, qui passe, laisse-le comme ça, c'est correct. Tout de suite après qu'il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Ça, c'est l'alternative. Dans une autre version, il disait, vous vous entre-déchirez. Est-ce que vous étiez jamais dans une situation où vous sentez que vous vous entre-déchirez? C'est épouvantable. Et ça, c'est l'alternative à servir les uns les autres. Et dans cette entre déchirements, il y a différentes choses qui se passent. Alors, il continue. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Alors, tu peux aller à la prochaine. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, mais vous êtes conduits par l'esprit. Vous n'êtes plus sous la loi. Et là, il donne une de ces fameuses listes. Hein? Paul était bon pour faire les listes. Il y a différentes listes dans différentes épîtres. Mais moi, j'ai regardé cette liste et je les ai regroupées. Alors, si on marche pas dans l'esprit, si on n'est pas convaincu que le service les uns les autres est la façon de faire, quelqu'un qui est livré à lui-même peut vivre certaines de ces conditions, ces choses. Alors, dans le groupe 1, nous avons l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche. Je ne vais pas m'adresser à cela ce matin. Le groupe 2, idolâtrie, la magie. Ça, c'est spécifiquement, exactement contre Dieu lui-même. Mais moi, j'aimerais regarder plutôt le groupe 3, parce que c'est vraiment le contraire à « aime ton prochain comme toi-même ». Moi, j'ai mes petites définitions de chaque mot. L'hostilité veut dire « je t'aime pas ». Les disputes, je m'entends pas avec toi et je veux pas. Passion. Oh, ça peut être bon ou ça peut être mauvais. Dans cette liste, elle est mauvaise, la passion. Mais c'est un manque de soi, manque de contrôle de soi, manque de maîtrise de soi, un manque d'être posé. Et ça peut blesser le monde. Parce que dans le groupe 3, c'est toutes les blessures et les transgressions, si vous voulez, qui vont blesser d'autres. Jalousie, envie. Je veux ce que tu as, ce que tu es, ce que tu représentes. Je ne suis pas satisfaite de moi-même. Les fureurs avec les passions. Je suis fâchée et je ne peux pas me contrôler. Je n'ai jamais appris la bonne façon d'exprimer ma colère. Alors, j'explose. Est-ce que vous étiez jamais dans une situation ecclésiale ou autre avec les explosions? Ça prend du temps de guérir de ces choses, de régler ces choses. Ambition personnelle. Je veux ce que je veux plus que je veux ton bien. Mes plans, mes rêves, mes désirs viennent avant toute autre personne. Division et faction. Division peut commencer en restant dans des cliques. Moi, j'ai ma gang d'amis, puis tu ne peux pas entrer dedans. Vous avez votre gang d'amis, mais éventuellement, ça peut créer des divisions. Pas l'unité. On a chanté à propos de l'unité ce matin. Et dissension, faiseur de troubles, contrarié. Tout ce que l'Église veut, ce qui est proposé, il y a toujours quelqu'un qui est contre. C'est quelqu'un qui fait la dissension. Et puis, le groupe 4, ça va avec le groupe 1, l'ivrognerie, les orgies. Et je reviens à ma traduction en verset 15, « Vous vous entre-déchirez », le contraire à notre vivre ensemble. Alors, Paul dit que si on ne fait pas attention, si on ne tient pas ferme, si on ne pratique pas notre liberté chrétienne, on peut tomber dans ces choses. Et ça va ruiner l'Église. Ça va détruire l'Église. C'est sérieux, ça? Sérieux pour la première époque? Sérieux pour notre époque? Et puis, il a une deuxième liste, et nous connaissons très bien cette liste. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Alors, il parlait de la loi tout au long de l'épître. Il finit sa phrase, hein? Il finit les livres à puits avec la loi. N'importe quelle loi ne serait jamais contre ces choses. Alors, comment est-ce que nous faisons cette vivre ensemble? Comment est-ce que nous pouvons pratiquer le service les uns les autres? En chapitre 6, il y a certaines indications. Alors, je vais juste vous montrer certaines choses. Continue. Alors, si on parle d'un point de vue pratique, premièrement, il dit, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute, vous êtes qui spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Là, j'ai regardé le mot être surpris en quelque faute, c'est le même mot pour disloquer ou pour trébucher. Alors, je marche dans l'esprit, je fais mon chemin, je suis avec ma famille, ma nouvelle famille, mais je commets une erreur, je tombe dans une certaine façon, soit de la liste qu'on a vue en chapitre 5 ou autre. Quand Glenn s'est disloqué l'épaule, parce que j'ai pensé beaucoup à cela, ça c'est une façon de l'utiliser le mot symbolique, mais quand il s'est disloqué l'épaule, ça a pris des personnes fortes pour participer dans sa restauration. Ça a pris dans le monde médical, la physiothérapie, la chirurgie, mais ça a pris aussi la communauté chrétienne. Il y avait quelqu'un de cette église qui nous a donné de l'argent, une bonne somme d'argent, deux fois pour les taxis, parce qu'il ne pouvait pas conduire pendant 6 semaines. Puis c'est un homme qui va partout à Montréal. Puis il y avait d'autres personnes qui ont utilisé leur don d'encouragement pour lui. D'autres personnes qui lui ont donné des trucs de survie. Une autre personne qui lui a acheté un truc pour son ordi parce qu'il ne pouvait pas manipuler son souris avec la main droite. Alors, il y avait toutes sortes de services qui sont venus auprès de nous parce qu'il s'est disloqué. Alors, quand nous sommes disloqués spirituellement, l'Église est appelée à venir à nos côtes, à venir nous accompagner. Mais ça prend les gens qui sont spirituels et ça, c'est le sens de persévérance. Alors, la première semaine, il a reçu beaucoup de courriels, beaucoup de cartes, beaucoup de mots d'encouragement, mais après 2 mois, c'était beaucoup moins. Mais c'était les gens qui sont forts qui l'ont continué à accompagner lui et moi aussi. Alors, c'est ça le sens. Parce que quand je trébuche dans ma vie chrétienne, parfois, ça prend une restauration qui prend un peu de temps ou longtemps. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, s'il y a quelqu'un qui trébuche, on devrait être là pour le restaurer, pour l'accompagner, pour avoir la persévérance avec cette personne. La deuxième chose, porter les fardeaux les uns les autres. Et voici la loi qui revient. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alors, maintenant, viens. Si on prend ma valise ensemble, c'est beaucoup plus léger. Hein? C'est mieux, ça va mieux. OK. Mais, ça se peut aussi que quelqu'un me donne une nouvelle valise qui marche beaucoup mieux de mon bagage que je traîne avec depuis 40 ans. Alors là, ça va bien. Alors, parfois, dans l'esprit, dans la communauté, dans la famille de Dieu, on peut même sortir avec une nouvelle valise avec beaucoup moins de stock dedans. Ça, c'est une valise que j'ai reçue quand j'avais 16 ans. Et alors, j'ai mis le code 316. Je l'ai toujours. Puis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, pourquoi traîner des choses qui sont plus utiles? Et la famille de Dieu peut nous aider à se débarrasser de ces poids. Des fardeaux. Il y a un jeu de mots dans ce verset, le verset après, si vous le lisez chez vous, parce qu'il y a l'idée d'un fardeau, l'idée d'un poids. Alors, chacun doit porter son propre sac à dos. Ça, ce n'est pas un poids qui nous accable, mais ça, c'est le fardeau qui nous accable. Et on est supposé de trouver de l'aide dans l'Église pour se débarrasser des choses qui nous accablent. Alors, ça, c'est un autre point que Paul dit, de point de vue pratique. Si quelqu'un pense être quelque chose qui n'en soit rien, il s'abuse lui-même. Alors, encore, le service, le service m'aide à oublier moi-même. Alors, si je pense que je suis vraiment quelque chose, quand je suis égal à tout le monde, c'est un abus. Et on peut finir en abusant d'autres. Je peux finir parce que je suis dans ma zone. et en verset 10, nous ne nous laissons pas de faire le bien pendant que nous avons l'occasion. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alors, pratiquons le bien. Faites le bien. Quand vous êtes conscient de quelque chose, faites-le. Quand il y a quelqu'un qui vient dans votre esprit, quelqu'un m'a dit il y a longtemps, si quelqu'un vient dans votre esprit, c'est parce que le Seigneur veut que tu pries pour cette personne. Moi, je n'ai jamais questionné ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas prier pour cette personne? Si je connais où la personne est, je peux les appeler. Il y a une raison pour laquelle l'esprit nous met le doigt sur l'épaule parfois. Alors, voici notre mandat en tant que chrétien. Qui sont libérés. adopter, d'aimer un autre. Dans ce contexte, idéalement, cette église devrait être une place sauve, idéalement. Mais ça prend du temps, n'est-ce pas? Pour connaître quelqu'un d'autre, ça prend du temps, ça prend des expériences que nous avons ensemble. Ça prend des événements, ça prend les chants que nous aimons chanter ensemble, semaine après semaine. Ça prend des expériences, les épreuves que nous vivons ensemble, les joies que nous vivons ensemble. Quand vous entrez dans cette salle pour la première fois, ça ne vous dit rien probablement. Une salle devient précieuse quand il y a des bonnes mémoires qui viennent avec. Ou ça devient une place où on ressent quelque chose dans notre être parce qu'on a vécu les mauvaises expériences. Alors, est-ce que nous pouvons rendre cette salle une salle joyeuse, ensemble? On ne peut pas le forcer. Je ne peux pas forcer une amitié. Quand ma belle-sœur est venue dans ma famille, je l'ai aimée tout de suite. Mais elle m'a fait comprendre qu'on ne peut pas forcer d'être les meilleurs amis l'un l'autre juste parce que son mari et mon mari sont frères et s'aiment. Mais éventuellement, on est devenus amis. On a vécu des choses ensemble. On est venu à une façon de se comprendre. Alors, au moment de l'épreuve, pour elle et pour moi, on était là l'un pour l'autre. Mais ce n'était pas instantané. C'est la même chose dans une église, n'est-ce pas? Et si vous regardez à gauche et à droite, où vous êtes assis, voici votre famille. Veux, veux pas. Et je trouve que Dieu a un sens d'humour de mettre les gens tellement disparates ensemble. Je trouve ça hilarant. Pas toujours, par exemple. Mais si vous voulez réfléchir davantage sur le partage de ce matin, ça peut porter du fruit de lire ces quatre chapitres dans votre temps personnel. Romains 12. Oui, le touche de prof. Alors, j'aimerais prier et puis Daniel va finir avec un chant qu'on a déjà chanté, mais qui va avec